grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 37e épisode, le châtiment. Arrière mes souvenirs. Non, je regarde mal le passé. Je ne puis m'être trompé à ce point. Aurais-je fait fausse route? Une heure aurait-elle suffi pour me prouver que l'œuvre de toutes mes espérances était une œuvre sacrilège? Je ne veux pas m'habituer à cette idée, elle me rendrait fou. Ah, trop d'or, trop de diamants, trop de bonheur rayonne aujourd'hui sur les verres de ce miroir où Monte Cristo regarde Dantès. Riche retrouve le pauvre. Libre retrouve le prisonnier. Ressuscité retrouve le cadavre. Oui, de la barque. Approche. Conduis-moi au château d'If, les entours. M'attend-il encore dans les sinistres cachots? Plus je m'approche, plus il me semble entendre ta voix. Quelle parole me disais-tu qui certainement répondrait à toutes ces questions qui me tourmentent l'âme aujourd'hui? Ah oui. La voilà la réponse. Tu arracheras les dents du dragon et tu fouleras aux pieds les lions, a dit le Seigneur. Oui, cette fois, il n'y a plus de doute. Malheur, donc, à ceux qui m'ont fait enfermer dans cette sombre prison, et à ceux qui ont oublié que j'étais enfermé. Allons, Morel. Venez. Et regardez plutôt le ciel que ces deux tombes. Oh, comte. Je suis si malheureux. J'ai connu un homme plus malheureux que vous. Non, c'est impossible. Qu'y a-t-il de plus malheureux que l'homme qui a perdu le seul bien qu'il aima et désira au monde? J'ai connu, moi aussi, un homme qui avait fait reposer toutes ses espérances de bonheur sur une femme. Il allait l'épouser quand, tout à coup, un caprice du sort lui enleva sa liberté, sa maîtresse, l'avenir qu'il rêvait et qu'il croyait le sien, pour le plonger au fond d'un cachot. Mais d'un cachot, on peut sortir. Il y resta 14 ans. 14 ans. Oui. Et pendant ces 14 années, lui aussi eut bien des moments de désespoir. Mais un jour, il sortit miraculeusement de sa tombe, transfiguré, riche, puissant, presque Dieu. Son premier cri fut pour son père. Son père était mort. Et sa tombe avait disparu. Mon père aussi est mort. Et à cet homme, il restait au moins la femme qu'il avait aimée. Vous vous trompez, Maximilien. Cette femme... Elle était morte? Oh, pis que cela. Elle avait épousé l'un des persécuteurs de son fiancé. Vous voyez bien que cet homme était plus malheureux que vous. Est-ce que Dieu a envoyé la consolation à cet homme? Il lui a envoyé le calme. Et il pourra encore être heureux un jour? Il l'espère. Je vivrai, comte. Je vous le promets encore. Alors rappelez-vous que je vous attends le 5 septembre à l'île de Monte Cristo. Le 4, un yacht vous attendra dans le port de Bastia. Ce yacht s'appelle Leurus. Vous vous nommerez au patron qui vous conduira près de moi. C'est dit, n'est-ce pas? C'est dit. Mais rappelez-vous que le 5 septembre... Enfant. Enfant qui ne sait pas encore ce que c'est que la promesse d'un homme. Je vous l'ai dit. Ce jour-là, si vous voulez encore mourir, je vous aiderai. Adieu. J'ai affaire en Italie. Quand partez-vous? À l'instant même. Le bateau à vapeur m'attend. Dans une heure, je serai déjà loin de vous. M'accompagnez-vous jusqu'au port. Je suis tout à vous, comte. Embrassez-moi, Morel. Pendant ce temps, le 13 août 1838, un homme arborant un ruban tout frais de la Légion d'honneur courait la poste sur la route qui mène de Florence à Rome et pénétrait enfin, au terme de sa longue course, dans les bureaux de la maison Thompson and French. Qui dois-je annoncer, monsieur? Monsieur le baron d'Anglard. Si monsieur le baron veut bien me suivre. Ah, te voilà, Pépino. Tu as flairé quelque chose de bon chez ce bonhomme? Il n'y a pas grand mérite, on était prévenus. Je l'ai suivi comme son ombre depuis son arrivée à Rome, et j'ai réussi à me faire engager par lui comme cicérone. Tu sais donc ce qu'il vient faire ici? Parbleu, il vient toucher. Seulement, reste à savoir quelle somme. Je vais te dire cela tout de suite, l'ami. Ouais. Oh ! Ah ! Alerte ! La somme est ronde ! 5 à 6 millions, n'est-ce pas? En effet. Et sur un reçu de son Excellence, le comte de Monte Cristo? Oui. Tu connais le comte? Et dont on l'a crédité sur Rome, Venise et Vienne? C'est cela? Comment es-tu si bien informé? Je te dis que nous avions été prévenus. C'est bien lui. 5 millions. Une jolie somme, hein, Pépino? Ouais. Nous n'en aurons jamais autant. Au moins, en aurons-nous quelques bribes, hein? Chut! Voici notre homme. Et avec la somme... Allons, jeune homme! Avanti! Son Excellence veut-elle voir Saint-Pierre? Ah, pourquoi faire? Dame, voilà. Non! En route! Je ne suis pas venu à Rome pour voir. Non, pas pour voir. Je suis venu pour toucher. Alors, où va son Excellence? À l'hôtel. Casa Pastrini. Voici votre voiture, Excellence, avec 2 solides chevaux de poste. Le relais est de 7 lieues. Très bien. Venise d'abord, Vienne ensuite. Et ici et là, quelques millions de plus. Voici vos passeports, Excellence. Et voici pour toi, mio caro. Grazie, grazie. Avanti, postillon. Route d'Ancône. Postillon, où sommes-nous? Non capisco. Dentro la testa. Dentro la testa. C'est la voix de mon Cicéron. Qu'est-ce qu'il fait là? Je l'avais laissé à Rome. Où me conduisez-vous? Nous tournons le dos à Ancône. Dentro la testa. Je suis pris. Il y a un cavalier à chaque portière. Peut-être des gendarmes. Descendez. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Qui sont tous ces hommes? Mais enfin, comme voulez-vous à la fin? Avanti! Oh. Allez, vous pourriez... Allez. Expliquez-moi! Bon! Qui vive? Amici. Bonne croix, capitaine. C'est notre homme? Lui-même, capitaine. Très bien. Lève ta torche et montre-moi son visage. Cet homme est fatigué. Qu'on le conduise à son lit. Entrez là. Les Les bandits romains. Les vrais. Ah, mais... C'est aussi un vrai lit. Ah... Bah... Avec 5 millions, on se tire toujours d'affaire. Mais... Ils ne m'ont pas fouillé. Étrange. Hola ! Quelqu'un de grâce ! Hola ! Hola ! Quelle cosa ? J'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis hier. Momento. Pepino ! Votre Excellence a besoin de quelque chose. Pardon, monsieur, mais... Est-ce qu'on ne me donnera pas à dîner ? Votre Excellence aurait-elle faim, par hasard ? Par hasard est charmant. Oui, j'ai faim. Et même assez faim. Et Votre Excellence veut manger ? À l'instant même, si c'est possible. Rien de plus facile. Ici, on se procure tout ce qu'on désire. En payant, bien entendu, comme chez tous les honnêtes chrétiens. Cela va sans dire. Que désirez-vous ? Commandez. Vous avez donc des cuisines ici ? Des cuisines parfaites et des cuisiniers excellents. Eh bien, apportez-moi un poulet, oui, du poisson, ou n'importe quoi, pourvu que je mange. Comme il plaira à votre Excellence. Nous disons donc un poulet. Et un poulet pour son Excellence. On se croirait au Café de Paris. Son Excellence est servie. Voici un couteau, une fourchette. Ça sent bon. Ah, en effet. Allons, découpons la bête. Un instant. Excellence, ici, on paie avant de manger. Ah, faisons les choses grandement. Voici un louis. Un moment. Votre Excellence me redoit encore quelque chose. Ah ? Ce n'était qu'un louis d'acompte. Un louis d'acompte ? Sur un poulet ? Ce n'est donc plus que 4999 louis que votre Excellence me redoit. 100 000 francs ? Un poulet éthique ? Très drôle. Oui, c'est incroyable comme on a de la peine à élever la volaille dans ces maudites grottes. Ouais, c'est bon, voilà un autre louis et laissez-moi manger. Vous ne me devez donc plus que 4998 louis. Avec de la patience. Nous y viendrons. Jamais. Qu'on enlève le plateau de son Excellence. Ah non ! Non, attendez. Dites-moi tout de suite ce que l'on veut de moi. Dites plutôt ce que vous voulez de nous. Je veux manger. Un morceau de pain, puisque les poulets sont hors de prix. Du pain ? Soit. Hola ! Du pain pour son Excellence. Voilà. Combien ? 4998 louis. Il y a 2 louis payés d'avance. Vous voulez donc que je meure de faim ? Mais non, c'est vous qui voulez vous suicider. Payer et manger. Mais avec quoi ? Tripe animale ! Vous avez 5 050 000 francs dans votre poche. Cela fait 50 poulets à 100 000 francs et un demi-poulet à 50 000. Ah, je comprends. Dites que vous voulez me dépouiller. Ce sera plutôt fait que de me dévorer ainsi, lambeau par lambeau. Il est possible que ce soit là le projet du maître. Le maître ? Où est-il ? Je veux le voir. Je suis là, vous m'appelez ? C'est vous qui êtes le chef des personnes qui m'ont amené ici ? Oui, Excellence. Que désirez-vous de moi comme rançon ? Parlez. Tout simplement les 5 millions que vous portez sur vous. Mais je n'ai que cela au monde. C'est le reste d'une immense fortune. Si vous me l'ôtez, ôtez-moi la vie. Il nous est défendu de verser votre sang, Excellence. Et par qui cela est défendu? Par celui auquel nous obéissons. Je croyais que vous étiez le chef. Je suis le chef de ces hommes. Mais un autre homme est mon chef, à moi. Et ce chef, obéit-il à quelqu'un, lui? Oui. À qui? À Dieu. Et c'est ce chef qui vous a dit de me traiter ainsi? Oui. Quel est son but? Je n'en sais rien. Mais ma bourse s'épuisera. C'est probable. Et quand je n'aurai plus d'argent pour vous payer? Alors vous aurez faim. Vous dites que vous ne voulez pas me tuer et vous voulez me laisser mourir de faim. Ce n'est pas la même chose. Eh bien, misérable, je déjouerai vos infâmes calculs. Mourir pour mourir, j'aime autant finir tout de suite. Faites-moi souffrir, torturez-moi, tuez-moi, mais je ne vous donnerai pas un sou. Comme il vous plaira, Excellence. Et 17 jours plus tard, le 31 août 1838... Alors, Pépino, et notre homme? Je le crois au bout de ses forces. Il n'a pas encore cédé? Non. Nous lui avons pris 5 millions pour la nourriture et les boissons. Mais il tient bon pour les 50 000 francs qui lui restent. Ah bon? Il les défend, mais sa résistance faiblit, capitaine. Il meurt littéralement de faim et de soif. Tout ça est parfait. Ouais. Et par moments, il délire. On dirait que d'affreux cauchemars le visitent, et toujours les mêmes, des visions qui semblent le terrifier. Eh bien, allons le voir. Ouvre ce guichet. Vous le voyez? On dirait que des spectres le hantent. À boire. Oh, mes amis d'autrefois, où êtes-vous? Non, pas toi, vieillard. Pas toi, arrière. Comme veux-tu? Tu es mort. Oui, tu es mort. Je t'ai vu mourir de faim. Alors va-t'en. Tu ne peux pas être ici. Retourne où tu es mort, à Marseille. Rappelle-toi, dans les allées de Meillan. Non, pitié, va-t'en. Le chef, je veux voir le chef. Je suis là, que désirez-vous? Faites sortir ce vieillard. Prenez mon or. Et laissez-moi vivre ici, dans cette caverne. Je ne demande plus la liberté. Je ne demande qu'à vivre. Vous souffrez donc bien? Oh oui, je souffre. Et cruellement. Il y a cependant des hommes qui ont encore plus souffert que vous. Je ne crois pas. Si fait. Ceux qui sont morts de faim. Oui. C'est vrai. Ce vieillard à Marseille... Mais celui-là, c'était un martyr. Vous repentez-vous, au moins? Quoi? Hein? Qui est cet homme? Vous repentez-vous? De quoi faut-il que je me repente? Du mal que vous avez fait. Oui. Oh, oui, je me repens. Alors, je vous pardonne. Mais qui êtes-vous? Regarde-moi bien, Danglars. Quoi? Le comte de Monte Cristo? Tu te trompes. Je ne suis pas le comte de Monte Cristo. Je suis celui que tu as vendu, livré, déshonoré. Je suis celui dont tu as prostitué la fiancée. Non. Je suis celui sur lequel tu as marché pour te hausser jusqu'à la fortune. Non. Je suis celui dont tu as fait mourir le père de faim. Non. Celui que tu avais condamné à mourir de faim. Non. Et qui cependant te pardonne. parce qu'il a besoin lui-même d'être pardonné. Je suis Edmond Dantès. Relève-toi, Danglars. Tu as la vie sauve. Pareille fortune n'est pas arrivée à tes deux autres complices. L'un est fou, l'autre est mort. Garde les 50 000 francs qui te restent, je t'en fais don. Quant à tes 5 millions volés aux hospices, ils leur sont déjà restitués par une main inconnue. Dantès. Dantès. Vivant. Et maintenant, mange et bois. Ce soir, tu es mon hôte. Vampa. Quand cet homme sera rassasié, il sera libre. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrier et Serge Martel. Aujourd'hui, 37e épisode, Le Châtiment. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Le Baron d'Anglars, Alain Mottet. Vampa, Maurice Sarfati. Pépino, Pierre Guéant. Le Commis, Guy Marly. Le Laquais, Philippe de Rez. L'Annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage Louis Amiel. Chef opérateur du son Marcel Grenier. Collaboration technique Bernard Delfieux. Régisseur de production Anna Cibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 2 décembre 1980. Vous pourrez le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, la suite est fin, hélas.